aujourd'hui à Assemblage Requis. Maxime Lemieux-Laramin nous fait ses suggestions de musique à télécharger. Un survol de quelques nouvelles geeks dans la chronique technologique CNX. Et puisque vous avez été sage cette semaine, on vous gâte avec une capsule humoristique de Vidon Ladon la question. Aujourd'hui, 15h.